Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le 16e numéro du mag, émission qui, comme toutes les semaines, va revenir sur les news comics, que ce soit en VF ou en VO, mais aussi sur l'actu du côté du cinéma et de la télévision pour toutes les adaptations de comics. On vous fera également notre sélection de la semaine parmi les sorties de titres, et puis nous répondrons à la question de la semaine que nous avons oubliée la semaine dernière, qui vous demandait de trancher concernant la saison 1 de Gotham entre la team Arnaud et la team Léo. Rappelez-vous de cet affrontement lors du podcast. Et bien voilà, vous avez donné votre avis, nous vous donnerons donc le résultat de vos votes à la fin de l'émission. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 16e numéro du mag. Et avec moi pour ce match cette semaine, Arnaud. Salut. Et Manon. Salut. Allez, on va commencer par les news VF. Arnaud, tu vas attaquer toi avec la première annonce de Panini qui est tombée cette semaine, qui est plutôt une confirmation de ce qu'Amazon annonçait. En fait, c'est les X-Men, c'est ça? Oui, donc on a appris que Panini allait sortir deux nouveaux albums omnibus. Donc après Paradise X en avril, ils sortiront Atlantis Attacks. Donc c'est un énorme crossover en 14 parties qui date de 1989. Et donc un deuxième omnibus qui s'intitule Road to Onslaught, qui compile des épisodes où on voit pour la première fois certains vilains et ennemis des X-Men. Et donc tout ça est prévu pour le mois d'octobre. Voilà. Et puis la deuxième annonce de Panini de la semaine, ça concerne le label Fusion pour le mois de septembre. On nous a annoncé le tome 2 de Rai, enfin des sorties Valiant, ça faisait super longtemps qu'ils n'en avaient pas annoncé. Une sortie de Brian Hitch qui est tirée du catalogue de Image Comics, s'appelle Real Heroes, qui arrive aussi donc en septembre. Et puis un nouveau volume des chroniques de Conan. Voilà, ils avaient déjà annoncé la sortie de Crossed plus 100 d'Alan Moore. Donc, voilà. Et puis a priori il y aura un autre album, mais ça ils nous l'annonceront plus tard. Et puis Arnaud Urban a annoncé cette semaine le planning de ses kiosques pour les mois de juillet et août. Alors, qu'est-ce qu'on va lire sur la plage? Oui, alors déjà, il y aura les kiosques qui sortiront le 10 juillet et au mois d'août, ce sera le 21. Mmh. Alors, il y aura d'abord le premier Superman Saga 19, hein, où c'est la suite des intrigues en cours, hein, donc rien de particulier. Ensuite, dans le 20 au mois d'août, ce sera l'événement Superman contre Ulysse, en particulier. Pour juillet, du côté de l'univers Batman, c'est la suite de Endgame, l'arc de Snyder et Capullo, qui s'appelle en français Fini de jouer. Ensuite, en août, ce sera le 40, avec à noter l'arrivée des... Non, j'ai rien dit, c'est pas maintenant. Le 40 avec... le Joker qui prend le pouvoir de Gotham. Et c'est dans le 21 dans le Justice League 21 où on voit l'apparition de, donc il y a la suite des séries Justice League, Justice League United, et il y a l'arrivée des séries Futures End. Mmh. Donc il y a d'abord le Flash Futures End et le Justice League Dark Futures End. Donc avec les deux récits qui se déroulent dans 5 ans dans le futur de l'univers DC. Mmh. Et ensuite, en août, le Justice League 22, c'est l'arrivée des annuals avec le Justice League Annual 1 et le Green Arrow Futures End et le Justice League Dark Annual 2. Voilà. Ouais, donc un programme plutôt classique. Pas de grosse révolution. À noter que c'est la suite des arcs en cours. Voilà, à noter que donc les sorties sont regroupées début juillet et fin août, bah, pour éviter le trou des ventes, voilà. On sait que les gens en étaient forcément vont un peu moins dans les librairies. Manon, Paris Comic Con, juste là, se faisait plutôt discret et était même plutôt décevant. Ils se sont un petit peu réveillés, une annonce est tombée cette semaine. Cette semaine, ils ont annoncé un grand invité qui sera l'invité Marvel, et ce sera Ryan Michael Bendis, et du 23 au 25 octobre. D'accord. Voilà. Bon, un premier grand nom, est-ce que c'est suffisant à nous donner envie d'aller à ce salon? Pour moi, non. Pas encore. Pour le moment, ça suffit pas. À suivre. On nous annonce d'autres noms, hein, forcément. Il y aura notamment quelqu'un du côté de l'univers ciné ou télé, voilà, qui devrait être annoncé prochainement. On ne sait pas vraiment qui encore, mais voilà, il nous faut. Il y a quelques rumeurs de ce côté-là. Parmi les titres qui sortent en VF cette semaine, qu'est-ce qui est à noter? Eh bien, tout d'abord, du côté de chez Panini, Avengers Now, numéro 1, nouveau mensuel, qui remplace Avengers Universe, avec la série All New Captain America, donc avec Falcon, qui porte le bouclier. La nouvelle série Hulk, mais également supérieure à Iron Man, une série qui est liée à, enfin, dont le lancement est lié à l'événement Axis, où on a un Iron Man qui devient un vrai connard, il n'y a pas d'autre mot. Et puis, la nouvelle série Thor, avec cette mystérieuse Thor féminine, qui débarque donc un mensuel qui coûte 4,90 et qui sort donc cette semaine. On a quoi encore? On a bah, les traditionnels Gardiens de la Galaxie, Avengers et Spider-Man, mais on a surtout la mort de Wolverine, partie 2 sur 2, et donc le dernier numéro du Mag Wolverine, puisqu'après, ça sera fini de Logan. Et puis du côté de chez Urban, une seule sortie à noter cette semaine, c'est. Alors attendez que je retrouve exactement le nom. Voilà, c'est Justice League of America, tome 0, scénarisé par Mark Waid et dessiné par Barry Kinson, qui reprend les 12 numéros de la série JLA Year One. Donc qui revient sur bah forcément les origines entre guillemets de l'équipe de Justice League of America, avec Aquaman, Green Lantern, Black Canary, Flash et le Martian Manhunter. Voilà les 5 personnages qui s'allient dans cette JLA, un bouquin de 352 pages pour 28 euros. On va passer maintenant que le bloc VF est terminé aux news ciné, et il y a seulement deux news du côté du cinéma, et c'est toi qui t'en charges, Arnaud. Alors déjà on a appris, je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle, mais la Fox qui reboot la Ligue des Gentlemen Extraordinaires hein, pour le cinéma, donc qui adapte une nouvelle fois les comics d'Alan Moore et Kevin O'Neill, hein. Après un premier film il y a plusieurs années qui était pas terrible. C'est le moins qu'on puisse dire. Et une autre news qui est peut-être plus intéressante, c'est donc avec le succès de Mad Max Fury Road, on s'intéresse beaucoup à George Miller, et justement... Il y a trois passionnés, donc Ryan Unicomb, Aaron Kater et Stephen Caldwell, qui voudraient tourner un documentaire sur le film Justice League que Miller avait prévu avec la Warner, donc Justice League Mortal, comme ça avait été le cas avec le documentaire sur le film Spider-Man de le film Superman pardon de qui était prévu par Tim Burton. Ils veulent faire un film, un documentaire qui traite justement de la préparation de Justice League version Miller, puisque le film devait sortir en 2009, mais à cause d'une part de la grève des scénaristes de 2007-2008, du développement de Batman Begins et d'un budget sujet beaucoup trop important, le film a été supprimé du développement de Warner. Alors qu'ils avaient déjà réuni un casting, ils avaient par exemple Armie Hammer en Batman. Bon, après, le casting n'était pas terrible. DJ Cotrona en Superman, Megan Gale en Wonder Woman, Adam Brody en Flash, Common en Green Lantern. Adam Brody en Flash. Oui. Et Hugh Keyes, Byron, Keyes, je sais pas comment on prononce, en Martian Manhunter, et Santiago Cabrera en Aquaman. Donc, D'accord. Santiago Cabrera, c'est le mec, c'était le peintre dans la première saison de Heroes. Oui. Passionnant comme casting. Ouais, mais n'empêche que le destin de ce film a quand même peut-être scellé quelque chose du côté des franchises cinéma, parce que imaginons que ce soit pas Marvel avec toute son Marvel de studio et ses Avengers et compagnie qui est déboulé en premier, mais que on ait eu ce film-là en 2009, Justice League de George Miller. Est-ce qu'aujourd'hui on en serait à la même mode, à cette même vague de tas de films annoncés toutes les semaines, de tas de nouvelles séries, etc. Voilà, on aurait un paysage qui serait complètement différent. Comme quoi, ça tient vraiment pas à grand-chose. Peut-être. Et DC aurait peut-être battu Peut-être que ça serait DC Marvel. qui serait la référence au niveau des adaptations ciné. Enfin, ça serait. Marvel aurait peut-être pas été racheté par Disney. Ils ont peut-être essayé de racheter Warner. Exactement, on aurait un paysage complètement différent. Un bel Elseworld. Ça te fait rêver, Manon, tout ça? Ah ouais, là, j'y suis. Surtout le casting de dingue. Ah bah moi tu vois, quand tu m'as lancé le flash là c'est. Bien, on va passer aux news du côté des comics VO, avec tout d'abord quelque chose qui défraie un peu la chronique en ce moment. On a l'habitude hein, dans les singles d'avoir des pages de publicité. Depuis toujours, hein, c'est pas une nouvelle. Ce qui va être nouveau, enfin. qui fait son retour, parce que ça a été une époque de mise, au mois de juin en tout cas, pour le moment c'est au mois de juin, on ne sait pas ce qui en sera après, DC Comics va mettre des pubs sur des demi-pages. C'est-à-dire qu'on aura le comics qui sera sur la partie supérieure de la page, et puis la deuxième moitié, ce sera une pub. Et donc du coup, la planche qui était prévue à la base est découpée en deux. On met la première partie sur la page de gauche et la deuxième partie sur la page de droite. Et puis sur les deux moitiés de page inférieures, on a des pubs. C'est ridicule. C'est quelque chose qui du coup va vraiment modifier l'expérience de lecture, nos habitudes. Et est-ce que, moi ce qui m'intéresse de savoir dans cette histoire-là, c'est est-ce que les équipes créatives avaient été prévenues de ça et que du coup les dessinateurs ont prévu de faire deux demi-planches? Ou est-ce que c'est une planche complète qui a été découpée sauvagement et arbitrairement par DC pour insérer ces pubs-là? Et du coup, on n'a pas du tout la même démarche. C'est intéressant. Est-ce que Parce ce serait pour qu'évidemment, toutes les séries? a priori, c'est pour tous les titres en juin. Ouais. Et la pub, c'est la même hein, pour tous les pubs du mois de juin. C'est une pub pour Twix, avec le Twix gauche sur la pub de droite, sur de gauche, et le Twix droit sur la pub de droite. Enfin voilà, ils reprennent cette position qu'ils font actuellement à la pub à la télé. Mais du coup, voilà, c'est intéressant de savoir si oui ou non ça a été préparé avec les équipes, ou si, du coup, le travail et le choix artistique qui avait été fait au niveau des planches, est modifié juste pour insérer des pubs. C'est intéressant de savoir. Et évidemment, hein, ces pubs vont forcément marquer, parce que d'abord, on en parle de cette pub Twix qui va couper les pages de comics en deux au mois de juin. Et puis, on sait bien que quand on a une pleine page de pub, on va même pas la regarder. Alors que là, on va être en pleine lecture, etc. Et paf, on va avoir la pub en bas de page. Et enfin, elle passera moins inaperçue, en tout cas, cette pub-là. Donc, c'est un moyen d'engranger plus de recettes publicitaires qu'a trouvé là DC. À suivre au mois de juillet, et puis à voir ce que ça donne, du coup, sur les planches, sur les numéros concrets en juin, voir si, effectivement, on sent un problème au niveau de la composition ou pas. Voilà pour cette première actu VO. Et Manon, toi tu vas nous parler de quelque chose qui concerne le Shield. Alors, le Shield, la série de comics, qui est écrit en ce moment par Mark Waid, il a prévu un épisode spécial, ce sera le numéro 9 pour les 50 ans du Shield. Et donc le numéro 9 s'intitulera A Man Called Death, mais Death comme acronyme, donc DEATH. Oui. Et donc et il a aussi révélé que il y aura des pages inédites qui ont été dessinées par Jack Kirby dans cet épisode. Et il fera référence au premier épisode qui a créé le Shield. Et donc voilà, ce sera pour célébrer les 50 ans. Voilà, donc du coup, c'est plutôt bien comme clin d'œil d'avoir ressorti des planches de l'époque, hein, puisque voilà, Jack Kirby avait participé à la création du Shield, d'avoir re retrouvé des planches comme ça qui avaient été mises de côté. Alors, on va voir maintenant la qualité de ces planches et pourquoi elles ont été mises de côté, ça c'est intéressant. Mais du coup, c'est un joli clin d'œil et c'est à l'époque actuelle où on est de retcon en retcon et où on se fout un peu de la continuité et d'où peuvent venir les titres. C'est intéressant d'avoir ce clin d'œil-là au passé et de carrément ressortir des trucs qui datent de plusieurs dizaines d'années. Sympa. Après, est-ce qu'on a besoin d'avoir des origines du Shield, franchement? Enfin, je suis pas sûre que ça revient, ça explique les origines du Shield, c'est plus pour faire un clin d'œil, ça va s'intégrer dans la série, je crois. Oui. Enfin, on verra quand ça sera présenté, mais voilà. La communication autour de tout ça, c'est quand même les Secret Origins of the Shield, quoi. Ma foi, à suivre, à suivre. La sélection VO maintenant. Arnaud, tu as retenu un titre parmi alors tous ceux qui sortent demain, mercredi, en single VO. Oui, et c'est Batman Beyond numéro 1, écrit par Dan Jurgens et dessiné par Bernard Chang. Donc c'est comme le nom de la série animée et des quelques séries qu'on a pu voir récemment, c'est l'histoire de Terry McGinnis, enfin non, peut-être Justement, il y pas a une justement. grosse modification a Justement, priori non. sur l'identité de ce Batman Beyond. On va pas la dévoiler ici, mais C'est justement, peut-être c'est pas. plus Voilà. justement Terry McGinnis, C'est mais en pas tout si cas, ça évident que ça. reste le Batman Beyond, le Batman du futur en Voilà. fait. Et donc oui, il y a beaucoup de changements. Donc comme ils disent dans la sollicitation, c'est le Batman dans le futur définitif de Voilà. l'univers DC. Enfin, Ils définitif jusqu'à la. insistent bien sur le voilà, ils insistent bien dessus quand même pour Oui, l'instant. ouais. Donc avec ce nouveau Batman qui n'est peut-être pas Terry McGinnis. dans ce futur, la Justice League a disparu. Bruce Wayne, l'ancien Batman, qui était jusque-là le mentor et le guide de Terry McGinnis, du Batman Beyond, a disparu. Il n'est plus là, non plus. Et donc, ce nouveau Batman doit affronter une criminalité qui revient dans cette nouvelle univers, alors que à peu près tous les super-héros ont disparu, sauf lui. Donc, c'est pas intéressant de voir justement ce nouveau futur, Batman. Moi, j'aime bien ce qu'ils ont fait du Batman Beyond. J'ai bien aimé le sneak peek qui a été diffusé par DC au mois de mai. Voilà, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Bah, justement, c'est un personnage que j'aime beaucoup. J'ai rien vu du personnage. J'ai vu que la série animée que j'adorais. Mm-hmm. Et c'est pour ça que je sais qu'il y a le Future Zen qui, où il a une place importante. Panini vient de sortir, Urban vient de sortir un tome Batman Beyond, mm-hmm. qui me fait l'œil aussi. Donc, j'ai encore rien lu, mais je pense que je vais me laisser tenter. Et du coup, là, de voir justement ce nouveau futur avec Convergence et tout ça, dans ce nouvel univers d'ici, ça peut être intéressant. Surtout avec l'identité du nouveau personnage. Voilà. Donc à suivre. Cette semaine, du côté de DC, hein, qui lance hein, son fameux DC New Universe, on aura le numéro 41 de Green Arrow. La bonne nouvelle, c'est que l'équipe de la série Arrow a enfin lâché le titre et qu'on va retrouver Ben Percy au scénario et Patrick Zircher au dessin. Et Green Arrow, tout ce qu'on peut vous dire pour le moment, de retour à Seattle. Et voilà, et qui va a priori, d'après le sneak peek, encore une fois, les petites histoires courtes qui a été proposée au mois de mai, une série qui va davantage, enfin même pas davantage, parce que l'autre ne faisait pas du tout référence, davantage s'inscrire à la suite du run de Jeff Lemire et reprendre des éléments de ce run-là. Tant mieux. C'est clair. Justice League 41 avec le grand premier chapitre de la Dark Side War, donc un numéro oversize qui coûte $4.99. Et enfin, le gros événement qui nous est annoncé depuis des mois, voire des années, démarre avec Coucou Pandora sur la couverture. Non. Ah, elle est en bas, là, dans un petit coin, avec ses yeux rouges. On a également Midnight. Il démarre un nouvel univers avec ce personnage. Bah, il est sur la couverture, après. C'est un clin d'œil aussi. Aller se débarrasser, c'est les mauvaises idées du... C'est peut-être de l'autotroll. Je sais pas. Midnighter, le numéro 1. Midnighter, le personnage qui vient de la série Grayson. En tout cas, pour la dernière fois qu'on l'a vu dans l'univers d'ici, c'était dans la série Grayson. Donc, le numéro 1 de sa propre série arrive ce mois-ci pour $2.99 avec Steve Orlando au scénario et Akko au dessin. Voilà pour le côté de l'univers DC. Mon petit coup de cœur à venir, c'est certain, du côté de l'univers Marvel. Comme quoi Secret Wars n'aura quand même pas apporté que des mauvaises choses, puisqu'on aura Giant Size Little Marvel AVX numéro 1. Oui, les Babies sont de retour sous la plume de Scotty Young au scénario et au dessin. Donc un numéro qui est déjà immanquable pour $3.99. Et puis Manon, toi, tu as retenu... Alors, une nouvelle série qui commence et qui se concentre sur Groot, mais le Groot tout seul. Donc il est séparé de Rocket et donc de son traducteur. C'est ça. Donc on a une série solo Groot numéro 1 qui est écrite par Jeff Loveness et... l'art est par Brian Kissinger et on a une superbe, j'aime beaucoup la couverture de Stan Chalvey. Mm-hmm. Donc on nous promet une aventure spatiale avec Groot et quelques des guest stars évidemment parce que sinon on va s'ennuyer avec les trois mots qu'il connaît. Donc le challenge effectivement ça va être de raconter une histoire avec un personnage qu'il ne parle pas. Ouais. Mais comme on a vu dans Hawkeye, c'est possible. C'est possible. Donc on va voir. On va voir, en tout cas, voilà. Numéro 1, plutôt intéressant. Puis déconnecté de Secret Wars, a priori, donc c'est agréable aussi d'avoir des trucs oui, ouais, qui ne soient pas pris dans le marasme. C'est bien. Par contre, la variante cover, un peu what the fuck. Ah oui, bah, de toute façon, oui. Mais... Groot féminine avec Spider-Pig. Mais c'est parce que c'est le thème des variantes cover du mois de juin chez Marvel, c'est Spider-Gwen. D'accord. Donc tous les personnages sont gwenisés. Ah, c'est pour ça. Donc voilà. Je comprends mieux. Allez, sur cette belle... touche, nous allons passer à l'actu télé avec et bah, toujours Manon, du coup, qui va nous parler d'une pétition assez incroyable. Oui, alors, on a l'association, c'est une association, on va dire ouais. One Million Moms, donc 1 million de mamans, qui a lancé une pétition pour que la Fox annule la série Lucifer qui va commencer cet automne ou en 2016 2016. Mmh. En 2016, la série Lucifer, elles ont décidé. Ils trouvent que Lucifer, la série, va glorifier Satan et va le montrer comme un personnage humain avec qui est agréable et qui a du cœur et qu'on peut apprécier. Peut apprécier. Et donc elles ont été horrifiées un petit peu. Voilà. Elles sont déjà opposées à des séries à Marvel et à DC. Par exemple en 2012 parce qu'il y avait des personnages gays. Voilà, c'est leur dernier fait d'armes, c'était ça, c'était de s'opposer aux personnages gays dans les deux univers. Ah bah écoutez, si elles ont ça à foutre, hein. Tant mieux. En tout cas, cette pétition, soi-disant 1 million moms, mais en tout cas, pour le moment, elles sont à peine 4000 à avoir signé. Donc bon, ça va, je pense que la Fox est tranquille. Arnaud, toujours dans l'univers télé. Ah tiens, tu vas nous parler de Gotham, dis donc. Eh ben, avec mes personnages préférés. Et donc, c'est une petite annonce casting de Gotham. On a appris que Chris Chalk et Nicolas D'Agosto, donc qui jouent respectivement Lucius Fox et Harvey Dent, vont devenir réguliers pour la saison 2. Voilà. Encore plus de Lucius Fox et d'Harvey Dent. Chouette. Bah, à la rigueur, Harvey Dent n'était pas le plus désagréable des personnages de la saison 1. Et puis Fox, on l'a vu. Et Lucius Fox, c'était plutôt. On l'a vu 2 minutes. Voilà, on l'a vu 2 minutes, mais voilà, il avait l'air de savoir des choses et de pouvoir peut-être être intéressant pour certaines intrigues de la série. Ouais, les deux vont être. Enfin, Lucius Fox va être connecté à. Au passé de Bruce. Wayne. Voilà, au passé des Wayne. Donc, enfin. Moi, voilà. Ça me. Voilà, pourquoi pas. Ça. Si ça peut nous éviter le Riddler version Gotham. Et mettre un peu en sourdine le pingouin. T'inquiète pas, ils seront toujours là. J'ai dit pourquoi pas. Après, on verra ce qu'ils vont en faire, évidemment. Et puis Manon, pour terminer ce bloc TV, une nouvelle adaptation. Alors, on a annoncé une nouvelle série adaptée de The Wicked and the Divine, plus The Divine, ouais, qui est la série de ton duo préféré, ouais. Kieran Gillen et Jenny McKelvey, qui sont la team artistique des Young Avengers. Ouais, version Marvel, non, ouais. Et donc, ce sera une série. Apparemment, c'est Universal qui la développe. Et on a annoncé Matt Fraction en production. Ouais. Et donc, avec voilà. Kelly Sue DeConnick, je crois aussi. Mais oui, je suis pas sûr pour elle. Ils doivent être associés, peut-être. Parce qu'ils ont aussi une série Hawkeye. Non, pas Hawkeye. Sex Criminals. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, ils sont un peu mariés femmes, donc. C'est une série Image Comics. Oui. Qui raconte l'histoire de 12 dieux. Sont réincarnés tous les 12 ans. Et donc, tous les 90 ans. Ouais, 90 ans. 90 ans. 12 dieux, 90 ans, et qui meurent au bout de 2 ans. Voilà, bon. La série comics est sympa. Enfin, moi, j'aime bien. J'aime bien. On en parlera peu bizarre, peut-être. Parce que j'ai du mal à rentrer dedans, mais. Le premier épisode, c'est vrai. Il faut le digérer, quoi. Il faut se le faire, accepter certaines choses et machin. Et puis après, ça devient très vite très, très, très intéressant. Donc, voilà, je. Ça dépend où ça finit, quoi. C'est ça. Okay. C'est ça. Bah, Universal. Ouais, bah. Leur chaîne principale, c'est Sci-Fi. Oui, voilà, mais. On verra. Mais en tout cas, voilà. Bonne nouvelle pour Gillen et McKelvey. Et puis, sans oublier Matthew Wilson, hein, qui participe également à la série. Et bien, on a terminé pour l'actu télé. On ne va pas terminer l'émission cette semaine sans répondre enfin à cette question de la semaine qui est pour la deuxième semaine de suite sur le conducteur, mais la semaine prochaine, comme un gros sac, j'ai oublié d'en parler. Alors, on va reposer le cadre. Il y a 2 ou 3 semaines maintenant, on a eu un débat assez enflammé sur la série télé Gotham, mais sur la saison 1, où d'un côté, on avait Arnaud qui s'est un peu emporté, et qui a descendu, on va dire, la série de manière virulente. Et en face de lui, on avait surtout du côté des pour Léo qui a défendu et qui a plutôt bien défendu, hein, parce que franchement, la tâche n'était pas facile. La série Gotham pour sa première saison, et du coup, suite à ça, on vous a demandé de quel côté étiez-vous, plutôt Team Léo, Team Arnaud, ni l'une ni l'autre, ou alors si carrément vous n'aviez pas du tout regardé la série. Et le résultat était quand même pas si à l'avantage d'Arnaud qu'on aurait pu le croire. 31%, vous avez été 31% à valider le choix d'Arnaud et à avoir détesté la saison 1 de Gotham. Et l'écart est faible puisque vous êtes 28% derrière à soutenir Léo et à avoir plutôt apprécié cette saison 1. Pour les deux autres scores, il me semble que c'était 22 et 19, je crois, 22% qui n'ont pas regardé et 19% qui étaient modérés, quelque chose comme ça. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'était, je l'ai fait de tête, mais c'est surtout le 31-28 finalement qui est beaucoup plus serré que prévu, quoi. Arnaud, t'as eu chaud au cul, envie de dire. Ouais, mais bon, les gens ont bon goût, alors. Ouais, mais c'était voilà, c'était pas si évident que ça. Donc du coup, voilà, c'est une série qui ne nous Du coup, divise. je Oui. pensais pas qu'il y avait autant de monde qui avait vraiment apprécié la série. Tu vois, il y en a. Et puis, il y a quand même cette grosse partie de personnes qui sont mitigées aussi, hein, une vingtaine de pourcents. Je peux comprendre, mais vraiment qui ont adoré la série comme Léo, je suis étonné. Bah ouais, bah écoute, Bon, mitigé, d'accord. après le team Léo, j'ai adoré, c'était l'intitulé de la réponse, mais ça c'est peut-être aussi des personnes, ou peut-être même comme toi, team Arnaud, j'ai détesté, c'était des personnes qui sont plutôt du côté négatif, sans avoir non plus fait un rejet total comme on a pu l'exprimer dans le podcast. Et puis pareil pour Léo, c'est peut-être des personnes qui étaient plutôt positives, sans avoir pour autant adoré et envie de mettre 10 sur 10 à la série. Voilà, c'est plutôt un côté des positifs et des négatifs. C'est vrai que les termes étaient un peu forts, mais bon, il y a peut-être des gens qui sont rangés d'un côté ou de l'autre sans aller non plus, voilà, J'ai jusqu'à gagné l'extrême. quand même. Voilà, c'est Très ça, bien. t'étais content. Tu peux faire ta petite danse de la joie, et puis bah on verra pour la prochaine saison ce que ça donne. Et bien voilà qui conclut donc l'émission de cette 16e édition du MAG. On se retrouve donc alors jeudi sur nos écrans numéro 17, sera consacré au bilan de la saison 3 de Arrow, et à mon avis là aussi il va y avoir du sport. Samedi on se retrouve pour la 15e Padawan édition, consacrée à Hawkeye, le moment qu'attendait Manon depuis longtemps. Et puis mardi prochain, on se retrouve pour le 17e numéro du MAG avec encore une fois toute l'actu VO, VF et également les adaptations de comics. D'ici là, bonne lecture, bonne série et à bientôt. Salut. Bonsoir.